Il y a une collègue au Palmarès C'est fou qui s'appelle Un Instant Classique, tu connais ça? Mais on passe les meilleurs moments d'assemblage requis, hein, toutes les semaines, les jeudis après-midi. Hein? Puis, on peut les écouter aussi sur le net? Oui, assemblagerequis.com. On veut le concept à l'envers une fois de temps en temps, ou deux semaines, et on écoute les meilleurs moments des Palmarès C'est fou dans Assemblage requis. C'est comme un twist and shout. J'aime tellement ça. C'était écœurant. Voici Un Instant Classique, édition Palmarès. Voici les meilleurs moments des Palmarès C'est fou pour les semaines du 25 février et du 4 mars 2013. Bienvenue, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Voilà. Et c'est l'idée derrière la chose d'avoir une équipe à trois parce que la semaine passée, t'étais pas là, t'étais malade. Exactement. Il y a quelque chose qui a mal passé, là, puis... Ah, des tuyaux! Les tuyaux. Dans la tuyauterie. Donc, Maxime Tanguay est avec moi. Cette semaine, Maxime Tanguay n'est pas là et c'est toi qui es là. Ben oui, mais lui, c'est pas un problème de tuyauterie. Je demanderais pas ça, ça a l'air personnel un peu. Là. OK, lui, c'est personnel, mais on peut parler de mes tuyaux. C'est ça. Et moi, on n'en parle pas parce qu'on dirait que j'ai jamais de problème parce que je suis tout le temps là. Je suis comme la tâche qui est tout le temps là. Les autres autour tournent, mais lui, il reste La tâche dans le sens de attacher ou la tâche dans le sens de faudrait frotter pour que ça parte? Ça dépend des gens. L'album homonyme de Fiddler. Ouais. C'est comme ça fait de l'air en bas. Fiddler. Ça fait de l'air en bas. De l'air en bas. De l'or en bas. Ah, de l'or. Ah. Je comprenais pas pourquoi de l'air en bas. Dans les petits concours, c'est toujours des tirages, mais tout ça, une question d'habileté mathématique. Avec des parenthèses. Pourquoi c'est toujours des mathématiques? J'aimerais ça des fois qu'ils m'écrivent un mot, puis qu'ils me demandent, hey, trouve l'erreur là-dedans, puis on va te donner ton prix. Les sneakers, c'est pas comparable à une Mars. J'ai jamais mangé de sneakers. Trop noisetté. Trop de Marcel Leboeuf là-dedans, moi aussi. Moi, c'est comme sur un Sunday. Je trouve pas Marcel Leboeuf, vas-y. Qu'est-ce que t'as contre Marcel Leboeuf? Je sais pas, c'est collier de bois de noisettier. Ben, je suis sûre que ça marche. Oui, garanti. Non, je dis que moi, sur mes Sundays, je demande toujours 100 peanuts. Ben, je sais pas, on dirait que ça m'écœure des peanuts sur un Sunday. Sunday, pas de peanuts, Sunday. C'est une belle chanson. Oui, hein. Tous nos chroniqueurs, dont toi, Stéphanie, évidemment. Ben oui, ça m'arrive des fois. Et là, le mercredi matin. Oui. Mon mini-weed, c'est là à tous les mercredis matins. Un côté givré une semaine, le côté fibreux, l'autre côté... Fibreux, ça fait chier. Odile Morphy qui est pas du tout endormante, comme dirait l'autre qui essaierait de faire une blague, mais finalement, ça n'est pas vraiment une, c'est juste une constatation. Une blague d'hôtel? Une blague de Morphy, c'est ça. Non, c'est plus vite que moi. Des super albums de Damn Truth. Hein, des bouts de plastique avec un trou dedans puis du carton. Ça joue de la musique. Incroyable. Quand on le met dans le dispositif adéquat. Le grille-pain. C'est tellement chaud l'émission d'aujourd'hui qu'elle est toute rouge en sueur et en pleurs. Ouais, c'est ça, je m'auto-wet t-shirt avec ma propre sueur. C'est dégueulasse. Non, c'est pas vrai. Ah! C'est pas vrai, là, je suis pas tout en sueur. Là. Non! N'ayez pas d'image comme ça. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. C'est le fun que tu partages tes fantasmes d'Onion Rings en ondes. Avec la forme que ça a, commence pas avec les Onion Rings. Dodu. Didier, Dina, Dido, Dido, Dodu, Dinda. Comment ils font pour chanter du Yoda, pour vrai? Il aurait dû mettre ça dans les camps de concentration. Hey, c'est quoi, là? Nazi, pis tout ça, c'est pas non, ça. Non. Okay. J'ai pas n'importe quel camp de concentration, là. J'ai pas de. concentré, là. C'est de ça qu'on parlait? Oh mon Dieu! Dans une canne? C'est tellement drôle! Yes, we can, comme dirait Barack Obama. Oh mon Dieu, on devrait tellement faire comme genre une BD de canne de concentration de plein de fruits qui s'en vont se faire concentrer pour faire du jus. What's up? Ah, rien de neuf, là. Quelques nouvelles entrées. C'est tout ce qu'il y a de neuf dans ma vie. Ben, tout à fait, hein, parce qu'à part les palmarès, c'est fou, il se passe absolument rien. Non, dans nos vies, c'est comme un gros blackout entre chaque palmarès. On reçoit Chanteur Chambaud en entrevue. Rien de moins. Rien de plus non plus. C'est exactement ça. En 20e franco? Ah, ben oui. Ben oui. C'était Olinéa et ta plus belle extorsion. Oui, hein, j'ai réussi à t'extraire cette réponse-là. Oui, j'avais comme oublié qu'on avait écouté ça. C'était un sketch, hein, c'était prévu, c'était pour que je puisse faire de l'extorsion pour avoir la réponse à ma question, c'est pour ça. Exactement. Tellement scripté cette émission-là, là. Regarde mon texte de 30 pages. Murie de feuilles. Ah, excuse-moi. J'aurais pu prendre mes feuilles aussi. Appalachian Mountain Station. Appelle les chiennes. Hey, on parle pas de même de la police. En tout cas, fait qu'on va entendre The Bicycles. Ça, c'est simple. Chaudronne, ça se dit mal pour une fille. T'es donc bien chaudronne, ça sonne mal. Fait qu'à la place, t'es donc bien chaudrée de palourde, hein, tu sais. C'est comme dire à un gars, t'es bien tarte. C'est comme plus, t'es donc bien pâté à viande. Je sais pas. Donc bien pâté. Mais chercher quelque chose avec une paille comme une pâte feuilletée. Je trouve que c'est plus le fun quand on remettait le fond même. Des folies, hein, des folies, cette émission-là, oui ou non? On est tellement mature. Est-ce que t'aimerais mieux, mettons, te battre contre, je sais pas, mettons, 1000 gros ménés, OK? Ou un seul ours légendaire, mettons? Je choisis définitivement les 1000 gros ménés. Le pire qu'il peut faire, c'est de donner un coup de queue, mais... Si seulement. On parlait de choses 8 bits. Évidemment, ça nous a mené vers, bon, 8 bits, c'est des, je sais pas, des vibrateurs 8 bits, une pieuvre vibrateur, où tu peux t'aider, tu sais? Avoir beaucoup trop d'embranchements pour le nombre de ports USB. Là, on connaît David Ferron, on connaît son frère jumeau siamois, anciennement siamois, maintenant plus siamois. Le docteur en a profité pour nous déspliter, sauf que... Déspliter, ça veut dire vous mettre ensemble. Ça va pas bien. Ben, c'est de la crazy glue, de la séfoucole. Ouais, mais c'est ça, il a essayé de nous séparer. Je sais pas quoi dire, je suis sans mots, j'ai... Ah, OK. 99 ensuite? Dis rien. Bon, là, non, S-A-N-S. Là, je vais la partir. OK, c'était trop long. OK, moi, j'aime beaucoup les moments inconfortables, mais celui-là était vraiment trop long. Ouais. Merci à vous, les palmiers, d'avoir écouté. Bye, bye, les palmiers. David, je sais que tu veux plugger d'autres mots parce que t'as l'air de vouloir parler. Hey, on voit, là, vas-y, dis-le. Dis-le. Ça sort pas. Donne un petit coup dans le dos. Ah, il est mort. Je pense qu'il est mort. Il est mort. Je pense qu'il est mort. Ah, en tout cas, ben, ceux qui se viennent de soirée la nuit, ben, il est mort. C'est David Ferron. Il est mort. Que voulez-vous, on le retrouvera pas mercredi matin à 8h pour sa chronique à Assemblage requis. Mm-hmm. C'était les meilleurs moments des palmarès. C'est fou pour les semaines du 25 février et du 4 mars 2013. Jean-Philippe, tu me demandais, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça, cette blague-là, sûrement à l'émission Les palmarès. C'est fou. Ben oui, parce que c'est là que ça joue. C'est les jeudis de 15h à 18h, les vendredis à 17h et les lundis à 14h. Et voilà. Et voilà. Et évidemment, là, on la joue le lundi. Ce qui est vraiment l'idée derrière la chose, c'est que vous allez pouvoir écouter l'émission de la semaine cet après-midi. C'est pour vous titiller. Ah, titiller, moi. Tu sais qu'on on résume 6 heures d'émission en 6 minutes. Quand même, c'est... Mais plus deux que... 2 fois 3 heures. Ouais. Ah, c'est ça. 2 fois 3 heures, c'est 6 heures. 6 minutes de montage. J'en retiens un. Ouais, c'est ça. Ça fait 6. Mathématiquement parlant, on n'est pas très bons non plus. Non. C'est normal. On compte sur nos doigts et c'est comme ça qu'on se rend à la fin. Donc, écoutez-nous, les palmarès c'est fou, et retrouvez toutes les chroniques Un instant classique sur la page Un instant classique d'assemblagerequis.com, www.assemblagerequis.com. Cliquez sur le bouton.